الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Nous entamons le chapitre numéro 41. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Chapitre numéro 41 à propos de la parole d'Allah. Ne cherchez donc pas Allah des égaux alors que vous savez. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ نبه المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب على ذلك وبيّن بعض هذه الألفاظ لتجتنب. L'auteur رحمه الله تعالى a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid car pour parfaire et concrétiser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous faut nous éloigner et nous préserver de certaines paroles. C'est pour cela que dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, attirera notre attention sur certaines paroles desquelles nous devons nous éloigner. Car prononcer ces paroles affecte et diminue le tawhid de la personne. Et l'auteur, dans ce chapitre, rahimahullah ta'ala, entend par le fait de donner un égal à Allah azza wa jal, al-tandid al-asghar, le fait d'exagérer sur la créature, mais sans la mettre exactement au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui correspond au shirk asghar. لا التنديد الكامل الذي هو شرك أكبر قال الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أندادا جمع ند وهو المثيل والنظير. Allah dans ce verset nous dit n'assignez pas à Allah des égaux. الأنداد c'est le pluriel du mot ند, ça veut dire semblable. وأنداد في هذه الآية نكرة في سياق النهي فيعم الأنداد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما يعم الأكبر والأصغر. Donc n'assignez pas à Allah des égaux. Cela a un sens ou une portée générale. Ça englobe des égaux dans la seigneurie d'Allah. Ça englobe des égaux dans le culte et l'adoration, et s'englobe les égaux dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tout cela, nous devons affirmer pour Allah son unicité, comme étant le seul dans ses actions envers ses créatures, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, également comme étant le seul à mériter entièrement l'adoration tabaraka wa ta'ala, et comme étant exempté de tout défaut. Aussi, on doit affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien rejeter le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala elle est semblable. Ce verset englobe toute forme de polythéisme, que ce soit le polythéisme majeur ou le polythéisme mineur. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit tout cela. Wa antum ta'lamun, alors que vous savez. Allah tabaraka wa ta'ala interdit au polythéiste de lui donner des égaux dans l'adoration et dans ce qui lui est propre. Puis il dit, alors que vous savez. Alors que vous savez quoi? Wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamuna annahu la nidda lahu fi rububiyyati. Fa kayfa tushrikuna bihi fi al-uluhiyya. Alors que vous savez, c'est-à-dire alors que vous savez qu'il est unique dans ses actions envers ses créatures, qu'il n'a pas d'égaux dans sa seigneurie. C'est le seul créateur et vous reconnaissez cela. C'est le seul propriétaire et vous reconnaissez cela. C'est le seul pourvoyeur et vous reconnaissez cela. C'est le seul à pouvoir donner la vie et la mort et vous reconnaissez cela. Alors ne lui donnez pas d'ego dans l'adoration en adorant autre que lui. Voici le sens du verset. لا تسرفوا العبادة لغير الله وأنتم تعلمون أنه هو الخالق وحده المالك المحيي المميت الرزاق وحده لا شريك له. أما مناسبة الآية للباب من التنديد ما يكون في الشرك الأصغر اللفظي فيجب الاجتناب عن هذه الألفاظ واجتنابها من كمال التوحيد الواجب. Donc l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre, car ici on nous interdit de donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Entre dans cette interdiction le polythéisme mineur, et parmi ce polythéisme les paroles contenant le fait d'assigner à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux. Le fait de s'éloigner de tout cela fait partie de la perfection du tawhid. Puis l'auteur nous dit, وقال ابن عباس في الآية الأنداب هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الرجل صاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم. L'auteur a cité sur l'auteur d'Ibn Abbas, qui est l'explication à l'aide d'exemple de ce verset. Ibn Abbas nous dit, les égaux, donc dans ce verset, Al-Andad, représentaient le polythéisme. Al-Andad, c'est le shirk. Wa muraduhu al-asghar. Et ce qu'entend Ibn Abbas par le shirk dans ce, ici, les exemples qu'il va citer nous prouvent qu'il entend par cela un shirk al-asghar, le polythéisme mineur. Il a donné des exemples pour le verset de polythéisme mineur. Il nous dit, concernant un shirk al-asghar, il est plus subtil que les traces des pas d'une fourmi sur un rocher lisse et dans une nuit ténébreuse. Ibn Abbas, radiallahu anhumah, nous décrit le shirk en nous disant akhfa min dabi bin nam al min athar imam shah. Il nous dit le polythéisme mineur est plus subtil que les traces des pas d'une fourmi sur un rocher lisse dans une nuit noire. Donc de cela on tire al khawf min ash-shirk, la peur de tomber dans le polythéisme, car les pas d'une fourmi, on ne les remarque pas, on n'y prête pas attention, on ne les voit pas. Que dire alors si ce sont des pas sur un rocher qui est lisse? Que dire alors si c'est dans une nuit noire et ténébreuse? Ibn Abbas nous dit que le shirk asrar est semblable à cela. C'est donc très dangereux. فكيف السلامة إذن من الشرك إلا بالاعتصام والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. Comment donc se préserver du shirk? Donc vous venez d'entendre la description, si ce n'est en recherchant l'aide et la protection auprès d'Allah سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم من الشرك كله. وهذا الوصف للشرك جاء مرفوعا عن أبي بكر عائشة أبي هريرة أبي موسى وغيرهم. Et cette description du polythéisme a été citée également dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Ahmad al-Hakim et d'autres. Ibn Abbas nous dit que fait partie du fait de donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala du shirk asghar, le fait de jurer par autre qu'Allah et le fait d'associer à Allah dans cela. Le fait de dire, il nous dit, c'est comme le fait de dire je jure par Allah, par ta vie ô un tel et par la mienne. Donc le fait de jurer par Allah, ensuite par une de ses créatures, tu auras associé Allah subhanahu wa ta'ala dans cela. Le fait de jurer que par Allah, c'est du tawhid. Et le fait de jurer par un autre qu'Allah, ou par Allah et un autre que lui, c'est du shirk. C'est du polythéisme. هذا مثال لنوع من التنديد الأصغر اللغوي. Donc voici un exemple qui entre dans le fait d'assigner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala et qui entre dans l'exemple du polythéisme mineur par les paroles. Al-halif bighayrillah wal-ishra ma'allah. Donc le fait de jurer par Allah et un autre que lui. Puis il lui donne un autre exemple en disant ou de dire si ce n'était ce petit chien, les voleurs seraient venus. Et si ce n'était ce canard dans la maison, les voleurs seraient venus. Dans cette parole, il y a at-tandid et il y a du shirk asrar al-lavli. Dans cette parole, il y a du polythéisme mineur. Donc, وتقول قال ابن عباس وتقول لولا كليبة كليبة يعني التصغير لكلبة وكان في الأصل كلبة لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البطة في الدار لأتانا اللصوص أو لولا البط جمع بطة. Donc ces gens-là ne disent pas « Lui, c'était Allah. » Les voleurs seraient venus. Mais ils disent « Si ce n'était le chien, si ce n'était le canard, les voleurs seraient venus. » Pourquoi le canard? Car le canard, lorsque quelqu'un entre dans la maison, il fait du bruit. Donc les gens de la maison peuvent venir ou descendre. Ainsi, le voleur prend la fuite. D'accord? Donc ces gens-là font revenir le bienfait à la créature, à la cause. Au lieu de citer en premier Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de pencher avec son cœur que vers Allah tabaraka wa ta'ala, puis par la suite de citer la cause, ces derniers citent la cause et mettent la cause au premier plan sur leur langue. De ce point de vue, ils sont tombés dans le polythéisme mineur. Quant au fait de citer la cause, si c'est une cause authentique, il n'y a pas de mal dans cela. C'est permis, ça n'entre pas dans le polythéisme. Donc ces gens-là ont accordé trop d'importance à la cause. Au lieu de mettre la cause en position secondaire et de montrer qu'on compte pleinement sur Allah subhanahu wa ta'ala, et que ces choses ne sont que des causes, ils mettent au premier plan la cause et exagèrent dans celle-ci. Ils mettent au premier plan la cause et exagèrent sur celle-ci. Quant au fait de prendre la cause, de citer la cause, tout en maintenant dans nos cœurs et à notre esprit que ça n'est qu'une cause, c'est donc au plan secondaire et c'est Allah Azza wa Jal qui a créé cette cause et qui décrétera son effet. D'accord? Celui qui fait ça n'aura pas pris de péché, ni n'aura commis de polythéisme. Tout en comptant pleinement que sur Allah et non pas sur la cause. Donc, tu utilises les causes et tu considères cela en position secondaire. Et au premier plan, tu comptes pleinement sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tu auras concrétisé At-Tawhid. Quant à celui qui penche vers la cause avec son cœur et qui compte sur celle-ci, celui-ci sera tombé dans le polythéisme. Iyadan billah. Wa kamal at-tawhid an taqula lawla Allah la hasala kadha wa kadha. La perfection du tawhid ici se manifestera comment? En disant, si ce n'était Allah, n'eût été Allah, il se serait déroulé telle chose et telle chose. Donc tu ne fais pas revenir cela à la cause, mais à celui qui a créé la cause et qui décrète l'effet de la cause. Et dans cette parole, il y a deux degrés. Une parole qui est la perfection du tawhid et une autre qui est permise. La perfection est de dire « Laoula Allah, la hasala kada wa kada ». N'eût été Allah, il se serait passé telle chose et telle chose. Donc tu fais revenir l'effet « Ka Allah tabaraka wa ta'ala ». Ça c'est la perfection. Mais il y a un deuxième degré qui est permis. C'est le fait de dire « Laoula Allah, thumma fulan ». Si ce n'était Allah, puis un tel. Lui c'était Allah, puis un tel, il se serait déroulé telle chose et telle chose, en citant après Allah une cause réelle. Quel est le jugement de cette parole? C'est permis. Mais l'excellence, la perfection est de dire, si ce n'était Allah, il se serait déroulé telle chose et telle chose. Et le degré qui est muharram est de dire, laoula fulan, de restreindre cette parole à la cause. Ou de dire, laoula Allah wa fulan, si ce n'était Allah et un tel. Si ce n'était Allah et un tel. Pourquoi? Parce que, et, ici, yani al-waw yufid at-taswiya wa at-tashrik bayna al-ma'touf wa al-ma'touf 'alayh. Car en disant, et, puis en citant une créature à côté d'Allah, c'est comme si tu as donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu as donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala sur ta langue. Même si tu n'as pas cette croyance dans ton cœur, il te faut t'éloigner. Alors que celui qui dit, si ce n'était Allah puis un tel, en citant une cause, dans cette parole, il n'y aura pas de mal. Pourquoi? Parce que thumma yufidu tartib wa tarah. Parce qu'en disant ensuite, tu affirmes que c'est Allah qui décide et que la seconde chose citée n'est qu'une cause. Et que la seconde chose citée n'est qu'une cause. Puis Ibn Abbas rahimahullah ta'ala nous dit, de même, lorsqu'une personne dit à une autre, c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Masha Allah wa shi'it. C'est selon la volonté d'Allah et la tienne. C'est la même explication. Le fait qu'il ait dit « et la tienne », c'est comme s'ils avaient voulu en même temps. Alors que non. « وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » La volonté du serviteur suit la volonté d'Allah, vient après la volonté d'Allah. Donc celui qui dit « c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté » aura donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala de par ses mots. De par cette parole, c'est du shirk lafzi. Hada min at-tandid al-asghar min ash-shirk al-asghar al-lafzi. Il y a un chapitre qui viendra sur cela, inshaAllah ta'ala. Fa ma sha Allah wa shi'at yufid taswiyati aw yufid taswiyata wa amada fi al-mashi'a. Ibn Abbas rahimahullah ta'ala dit, ou si ce n'était Allah et un tel. Laoula Allah wa fulan. Si ce n'était Allah et un tel. C'est la même chose encore. Du fait qu'il y ait le et. Du fait qu'il y ait et, ça nous indique l'association et l'égalité dans ce qui est cité ici. C'est comme s'il y a une association dans la volonté ou dans l'action entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa créature, alors que c'est Allah qui décide de tout. Et nos actions en découlent. Puis Ibn Abbas rahimahullah radiallahu anhuma dit, N'ajoute pas un tel dans tes propos. N'ajoute pas un tel dans tes propos. Tout cela n'est que polythéisme. لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. يعني Ibn Abbas nous dit, n'ajoute pas un tel dans tes propos. Ne dis pas ma sha Allah wa shi'it. Ne dis pas et un tel. C'est ce qu'Allah a voulu et un tel. Dis c'est ce qu'Allah a voulu. Ne dis pas si ce n'était Allah et un tel. Mais dis si ce n'était Allah. Vous avez compris lorsqu'il dit n'ajoute pas un tel. Naam. Afin de te purifier du polythéisme mineur. Alors qu'on a vu que c'est permis, que c'était permis de dire thumma fulan. Tu peux dire c'est ce qu'un tel a voulu, c'est ce qu'Allah a voulu puis un tel. Ou si ce n'était Allah puis un tel. Cela est permis. Mais Ibn Abbas ici nous appelle à l'excellence dans le tawhid. Il nous oriente vers le meilleur degré. كل ماذا هذا كله بشرك أي هذه الألفاظ المذكورة من الشرك الأصغر. Toutes les paroles citées ici par Ibn Abbas font partie du polythéisme mineur à la base. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال المؤلف وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. L'auteur nous dit عمر بن الخطاب rapporte du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qu'il a dit: celui qui jure par un autre qu'Allah aura commis un acte de mécréance ou de polythéisme. Rapporté par Tirmidhi qui considère ce hadith comme étant bon et authentifié par Al-Hakim. As-sawab anna hadha al-hadith. As-sawab anna hadha al-hadith. Hadithu Abdillah ibn Umar. Ici l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit selon Omar ibn al-Khattab. Notez qu'en réalité ce hadith est le hadith du fils de Omar ibn al-Khattab, donc de Abdullah ibn Omar, et non pas le hadith de Omar ibn al-Khattab comme l'ont signalé les savants et comme a fait la remarque Cheikh Souleyman dans le Sharh, dans At-Taysir. Avant cela j'oubliais concernant ماذا لأثر ابن عباس مناسبة الأثر للباب هو تفسير للآية وفيها أمثلة للألفاظ التي تجتنب لتحقيق التوحيد. Donc j'oubliais concernant le athar d'Ibn Abbas, l'auteur a cité ce athar dans ce chapitre car on y voit l'explication de la parole d'Allah فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez. Ici, Ibn Abbas nous a cité des exemples de paroles qui entrent dans le tandid, desquelles nous devons nous éloigner afin de parfaire et de concrétiser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On tire du athar d'Ibn Abbas at-tahdhiru min ash-shirk, iqraru al-mushrikin bi tawhid ar-rububiyyah. بيان سفه عقول المشركين وتناقضهم حيث إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية وهم خالفوا ذلك. في الآية نفي وإثبات كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله فلا تجعلوا لله أندادا هذا نفي وأن ماذا أو في البداية يا الناس اعبدوا ربكم هذا إثبات فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا نفي. Donc on tire de l'Athar d'Ibn Abbas la mise en garde contre le polythéisme ainsi que la crainte du polythéisme. On tire également de cet Athar, donc l'explication du verset, que les associateurs, que Kuffar Quraysh ont reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la Seigneurie. Et cela n'a pas pour autant fait d'eux des musulmans. car ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas unifié Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Ainsi on voit la bêtise et la faiblesse d'esprit et le manque de raison et d'intelligence des associateurs, du fait qu'ils, ainsi que leur contradiction, du fait qu'ils reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans ses actions envers ses créatures, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, le seul à donner la vie, le seul à donner la mort, le seul à donner la pluie, le seul à avoir aplani cette terre pour qu'on puisse y vivre et construire, le seul à faire tomber la pluie pour qu'on puisse cultiver et avoir notre subsistance. Malgré cette reconnaissance, au moment de l'adoration, ils partagent le culte entre Allah et ses créatures. Donc ceci est de la bêtise et une totale contradiction, car celui qui reconnaît tout cela se devait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte. Et cette raison saine a poussé beaucoup de chrétiens à se convertir à l'islam et beaucoup d'associateurs à se convertir à l'islam. Lorsqu'ils ont médité sur cela, ils se sont rendus compte que le seul qui méritait donc l'adoration était Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, on voit que parmi les preuves de tawhid al-uluhiyya, il y a tawhid al-rububiyya. Allah Azza wa Jal, souvent dans le Coran, appelle les associateurs à revenir à la droiture en utilisant ce qu'ils ont reconnu pour les blâmer sur ce qu'ils ont rejeté. Ils ont reconnu quoi? Tawhid al-rububiyya. Ils ont rejeté quoi? Tawhid al-uluhiyya. On voit ici le sens de la ilaha illallah. Il y a une négation et une affirmation. Au début, Allah Azza wa Jal dit « Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum » « Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. » Et il finit ici en disant « Ne lui donnez donc pas des égaux alors que vous savez. » Donc, « At-tawhid » se concrétise avec une négation, la négation du droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, et une affirmation, le fait d'affirmer que le seul qui mérite entièrement l'adoration est Allah tabaraka wa ta'ala. الشرك الأصغر خفي جدا وقل من تنبه له فهو خطير جدا. Le polythéisme mineur est très dangereux car beaucoup de ses formes sont cachées. Et lorsqu'une chose est cachée, c'est plus dangereux. Ça peut être plus dangereux que la chose visible. وجوب تجنب الألفاظ الشركية. L'obligation de s'éloigner de toutes les paroles qui comportent du polythéisme. Même si la personne n'a pas ces paroles qu'il prononce avec sa langue dans son cœur. Par exemple, il pourrait répondre « Oui, mais moi je n'ai pas voulu dire ça. Oui, mais moi je n'ai pas cette croyance. » On lui dit « Quand bien même fait partie de la concrétisation du tawhid et de sa perfection de t'éloigner de ses paroles. » Car notre religion est venue non seulement pour faire sortir les gens du polythéisme, mais également pour les éloigner du polythéisme majeur, donc du kufr, mais également pour les préserver de toutes les causes qui y mènent, comme le polythéisme mineur et les innovations. Et nous avons étudié ces chapitres-là, les chapitres qui nous ont montré comment l'islam a préservé les limites du tawhid. Une remarque, ensuite on passe au hadith d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. C'est le fait d'utiliser la parole là ou là, si ce n'était. Donc nous on a vu ici que ça entrait dans le shirk asghar. Mais c'est dans le cas où la personne l'utilise comme ça a été cité ici en tant qu'exemple par Ibn Abbas. En dehors de cela, c'est permis d'utiliser cette parole. Je m'explique. Il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a utilisé cette parole, mais dans un autre contexte, sans faire revenir le bienfait à la cause et sans mettre en position secondaire Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, يعني هذه الحديث صحيح البخاري هذه الحديث صحيح مسلم هذه الحديث صحيحين où il y a cela mais ça n'est qu'à titre informatif. Le prophète sallam nous dit par exemple لولا أن قومك أو لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا جعلتها على قواعد إبراهيم أو يعني بابين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Aïcha, si ce n'était le fait que ton peuple vient tout juste d'entrer dans l'islam, et ça fait peu de temps qu'elles sont sorties de la mécréance, j'aurais détruit la Kaaba pour la reconstruire sur les mêmes fondations qu'Ibrahim. Yani sur les mêmes fondations, ce qu'on appelle Qa'id Ibrahim. Une porte par laquelle on entre et une porte par laquelle on sort. Donc ici, ça n'est qu'à titre informatif. D'accord ? Dans cette parole, il n'y a aucun manquement dans le tawhid. Il n'y a aucun manquement dans le tawhid. Aussi, dans le recueil d'Imam Bukhari et d'Imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'a questionné au sujet de son oncle Abu Talib, est-ce qu'il lui a été profitable, il a répondu « Laoula ana la kana fi darkil asfali minanna » Si ce n'était moi, il serait dans le plus profond de l'enfer. « Laoula ana » ça revient à quoi « ana » si ce n'était moi ?« Ay laoula shafa'ati » si ce n'était par la cause de mon intercession. D'accord ? Si ce n'était par la cause de mon intercession qu'Allah Azza wa Jal m'a accordé. Ben Abu Talib, Maza serait au plus profond de l'enfer. Encore une fois, ça n'est qu'à titre informatif. Ici, il ne fait pas revenir le bienfait de cela à sa personne, car al-Shafa'a, comme on l'a tous étudié, qui est-ce qui accorde le shafa'a? C'est Allah. Qui est-ce qui est le propriétaire et le maître de shafa'a? C'est Allah. Et qui est-ce qui accepte le shafa'a? C'est Allah. Donc l'ordre tout entier revient à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cite que cela qu'à titre informatif. Il y a d'autres exemples. لولا حواء ما خانت امرأة زوجها le hadith donc l'auteur nous dit selon Omar ibn al-Khattab vous mettez une remarque vous mettez c'est la, vous écrivez que c'est le hadith de Abdullah ibn Omar et non pas le hadith de Omar radiyallahu anhum أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. Celui qui jure par un autre qu'Allah aura commis un acte de mécréance ou de polythéisme. Celui, c'est général, ça englobe les hommes, les femmes, ça englobe tout le monde. Celui qui jure, من حلف الحلف واليمين تأكيد أمر بذكر معظم بصيغة مخصوصة. C'est le fait de citer une chose que tu immensifies afin d'appuyer l'information. D'accord ? Quand tu jures, c'est pourquoi ? C'est pour appuyer l'information. Pour jurer, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas utiliser une chose que tu immensifies. D'accord ? Tu vas utiliser une chose que tu immensifies pour montrer à celui qui t'écoute que tu veux appuyer, que tu accordes de l'importance à cette chose. Tu jures en utilisant le waouh, en utilisant le ba, ou en utilisant le ta, en disant wallahi, ou bien billahi, ou bien tallahi. D'accord ? Ce sont les formes connues. Et le waouh est le plus général et communément utilisé. Ce hadith a été rendu authentique par Ibn Taymiyyah, parmi les gens maza plus proches de nous, en temporellement, l'Albani rahimahumullah. Celui qui jure par un autre qu'Allah. Autre qu'Allah s'englobe toutes les créatures. Celui qui jure par la Kaaba. Celui qui jure par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui jure par l'Amana. Celui qui jure par ses parents. Ou celui qui jure sur la tête de ses parents. Ou celui qui jure par sa vie. Ou bien celui qui jure par le ciel. Tous ces gens-là. Tous ceux qui jurent par un autre qu'Allah. Qu'a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Faqad kafara aw ashrak. Subhanallah, khatara hadhihi al-mas'ala. Cette chose qu'on entend partout, même dans la maison de certains musulmans, même sur la langue de certains adultes, même dans les masajids, le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو أشرك إذن الأمر خطير جدا. Donc c'est une chose très grave, le fait de jurer par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque tu cites une chose en jurant, c'est que c'est la chose la plus importante pour toi. هل هناك أكبر من الله عندك هل هناك أعظم من الله العظيم عندك. Subhanallah. Est-ce qu'il y a plus immense pour le musulman qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il y a plus immense dans la considération dans le cœur du muwahhid qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Alors tu ne dois jamais jurer par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un des pires péchés, ça entre dans le shirk. Ça entre dans le shirk. Donc, celui qui jure par autre qu'Allah Azza wa Jal, quel qu'il soit, quelle que soit cette chose, même la Kaaba, al-Musharrafa, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même tes parents, celui qui jure par autre qu'Allah aura commis un acte de polythéisme. Je me suis trompé dans une phrase. Esbir. Donc, la personne qui jure par un autre qu'Allah aura commis un acte de polythéisme sera tombé donc dans le pire des péchés. Dans le pire des péchés. Puis, on voit ici à la fin du hadith, فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ aura commis un acte de mécréance ou de polythéisme. Donc ici, on voit que le rapporteur a eu un doute. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il sera tombé dans un acte de polythéisme ou est-ce qu'il a dit dans un acte de mécréance? Ah, c'est dans la version de l'imam At-Tirmidhi. Dans une autre version, on trouve faqad kafara wa ashrak. Il aura commis un acte de mécréance et de polythéisme. Dans une autre version, en dehors de la version de l'imam At-Tirmidhi, on trouve faqad kafar. Et dans une autre, quatrième version, faqad ashrak. D'accord? Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit وَالظَّاهِرْ أَنَّ صَوَابَ الْحَدِيثِ أَشْرَكْ. Ibn Uthaymin nous dit ce qui est apparent, c'est que la meilleure version, ou bien ce qui est bon, est de dire faqad ashrak. Il aura commis un acte de polythéisme. Qu'est-ce qui est voulu ici par le polythéisme? La base, c'est que de jurer par un autre qu'Allah entre dans le polythéisme mineur. La base, عند جمهور أهل العلم أن الحلف بغير الله شرك أصغر في الأصل. شرك أصغر في الأصل. في الأصل نعم. Mais le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui immensifie cet autre comme il immensifie Allah, ça c'est du shirk akbar. Celui qui jure par un autre qu'Allah, en considérant cette créature au même niveau qu'il considère Allah subhanahu wa ta'ala, ou plus encore, quel est le jugement de cette personne? Il sera tombé dans le shirk akbar, dans le kufr akbar. Iyadan billah. Al-ma'na al-ijmali, al-ikhbar huna bima'na al-nahi. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une information. Mais en réalité, c'est une interdiction. Lorsqu'il nous dit, celui qui jure par un autre qu'Allah aura commis un acte de mécréance ou de polythéisme. En réalité, il nous interdit de faire cela. C'est une information qui a pour but l'interdiction. Donc celui qui jure, on nous informe de quoi? Que celui qui jure par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc par une de ses créatures, aura donné un égal à Allah tabaraka wa ta'ala. لِأَنَّ الْحَالِفِ بِشَيَّ اَقْتَضِي تَعْظِيمِ. Car quand tu jures par une chose, tu l'immensifies. وَالْعَظَمَةُ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ وَحْدَهُ. Donc quand tu jures par une chose, tu l'immensifies. Vraiment. De manière totale. Et cela n'est valable que pour Allah subhanahu wa ta'ala et il lui revient de droit. فَلَا يَحْلِفُ الْمُسْلِمُ الْمُوَحِّدُ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمُ. Al-Ahad, Al-Samad, Subhanahu wa ta'ala. Ou, bisifatin min sifatih. Ou, par un de ses attributs. L'enna sifata, tabi'a, l'il mausouf. Pourquoi? Parce que l'attribut suit celui qui est madha, décrit par cela. Donc tu peux jurer par l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux dire par exemple, bi'izzatillah, par la puissance d'Allah. Na'am. Tu peux jurer par le Coran. Pourquoi? Le Coran, c'est la parole de qui? La parole d'Allah. Et la parole d'Allah, c'est un des attributs de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Munasabatul hadith lilbab. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre? لأن في تحريم الحلف بغير الله وأنه من اتخاذ الند مع الله. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit l'interdiction de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que cela entre dans le fait de lui assigner des égaux. Qu'est-ce qui nous prouve que la base dans الحلف بغير الله, dans le fait de jurer par autre qu'Allah, n'est pas Ashirkul Akbar, mais plutôt Ashirkul Asghar. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est du polythéisme mineur? Car en regardant l'ensemble des ahadiths et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ceux qui sont tombés dans cela, ben on voit que ça n'est pas du polythéisme majeur. Certains parmi les grands compagnons ont juré par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit, ils ont délaissé cela, bien évidemment. Et très loin d'eux, à l'image de Omar, radiallahu anhu, le fait de tomber dans le shirk akbar, ce sont les gens les plus éloignés de ceux. Aussi, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas comporté envers eux comme la personne qui tombe dans le polythéisme majeur. Il ne leur a pas demandé de renouveler par exemple l'attestation de foi. Et il n'a pas dit à l'un d'entre eux qu'il était sorti de l'islam. Et c'est la fatwa d'Ibn Baz et d'autres parmi nos grands savants. Hafidhahumullah wa rahimahum. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu Omar qui jurait par son père. Et il a dit, ne jurez pas par vos pères, Allah vous interdit cela. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبي يقول وأبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم عن هذا. عمر est en train de jurer par son père. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit ne jurez pas par vos parents car certes Allah vous interdit cela. Est-ce qu'il lui a dit tu es sorti de l'islam? Non. Est-ce qu'il s'est comporté avec lui comme la personne qui est sortie de l'islam? Non. Donc en unissant l'ensemble des hadiths, on comprend que c'est du shirk, mais pas du polythéisme majeur. Mais pas du polythéisme majeur. وَقَدْ يَتَرَقَّ إِلَى شِرْكِ الْأَكْبَرِ. Mais ça peut atteindre le degré du polythéisme majeur. إِذَا سَوَّ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ المخلوق بالله في التعظيم. هذه التسوية شرك أكبر. Par contre, dans le cas où la personne immensifie la créature au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors à ce moment-là, elle aura commis un acte de polythéisme majeur بإجماع العلماء. وهذا يحصل كثيرا عندما الرافضة قبحهم الله والصوفية القبوريين. Et le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en l'immensifiant cet autre est fortement répandu chez Al-Rafidha. Al-Rafidha sont ceux qui insultent les sahaba, une des branches à la base de Shia, des chiites. Hein, ce sont des gens qui insultent les sahaba. Ce sont des gens qui disent que Abu Bakr et Omar sont des munafiqoun, a'oudou billah. Ce sont des gens qui disent que Aïcha a fait l'adultère, wal'iyadou billah. Ce sont des gens qui disent que la plupart des compagnons sont sortis de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, tu trouves certaines personnes parmi l'Ikhwan al-Muslimin qui disent que nous et Rafidah, il n'y a pas de grande divergence entre nous. Tu trouves des gens parmi l'Ikhwan al-Muslimoun qui disent que ce sont nos frères. Ce sont vos frères à vous. Ce sont vos frères à vous. Des gens qui insultent notre mère, Aïcha, ce sont nos frères. A'oudhu billah. Des gens qui insultent Abu Bakr, Omar, ce sont nos frères. A'oudhu billah. Subhanallah. Ces gens-là ont insulté les meilleurs des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala après les prophètes et les messagers. On a demandé aux chrétiens qui sont les meilleurs des compagnons de Isa. Ils ont répondu. Maza, qui sont les meilleurs? Ils ont répondu les compagnons de Isa. On a demandé aux juifs, ils ont dit les compagnons de Moussa. Et on a demandé à Rafida qui sont les pires? Ils ont dit les compagnons de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la parole d'un des pieux prédécesseurs. فالرافضة أقبح الناس أخزاهم الله. Donc ces gens-là jurent par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils jurent par des saints, ils jurent par des morts, et ils n'ont pas honte de jurer par Allah en mentant. Par contre, ils n'osent pas jurer par leurs saints et par les morts en mentant. Parce qu'ils ont plus peur de ses saints et de ses morts qu'on a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a ça dans son cœur, sans aucun doute qu'il est tombé dans al-shirku al-akbar. Non. Un point également, j'oubliais, qui nous permet d'affirmer que la base dans le fait de jurer par autre qu'Allah, c'est du polythéisme mineur et non du polythéisme majeur. Le Athar d'Ibn Abbas que nous venons de lire, parmi les exemples, dans le Sheikh Asrar, Al-Tandid al-Asrar, Ibn Abbas a cité le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Une remarque concernant ce sujet, nous avons compris que nous n'avons pas le droit de jurer par un autre qu'Allah. Et que celui qui jure par un autre qu'Allah commet un acte de polythéisme. Amma Allah, subhanahu wa ta'ala, lahu an yahlifa bima sha'a. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, aqsim bima yurid. Aqsama fil Qur'an bi adadin min makhlouqati. Qala wa dhuha, qala wa shamsi wa dhuhaha, qala wa layli idha yaghsha, aqsama bil asr, qala wa l'asr. Donc, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, jure par ce qu'il veut de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, jure par ce qu'il veut de parmi ses créatures. Premièrement, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Amma yaf'alu wa hum yus'alu. Premièrement, on ne demande pas à Allah sur ce qu'il fait, mais c'est nous qui sommes questionnés. Deuxièmement, هذا الأمر يعني القسم بمخلوقات عظيمة دليل على عظمة الخالق. Deuxièmement, lorsque Allah Azza wa Jal jure par ses créatures, par ses grands signes, ben ça nous montre et ça nous oriente vers la grandeur du Créateur. Ça nous oriente et ça nous montre vers quoi? La grandeur du Créateur, la perfection de sa puissance, de sa science et de sa sagesse. Donc l'éloge revient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'éloge revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Nastafid min hadha al-hadith tahrim al-halif bi ghayrillah wa annahu min ash-shirk billah. On tire de ce verset l'interdiction de jurer par autre qu'Allah et que cela a pour jugement le polythéisme. قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير صادقا. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: je préfère jurer par Allah en mentant plutôt que de jurer par un autre que lui en disant la vérité. Subhanallah. Ça, c'est la compréhension des sahab de la gravité du shirk et de l'importance du tawhid. Abdullah ibn Mas'ud nous dit: je préfère jurer par Allah en mentant que de jurer par un autre que lui en disant la vérité. Rawahu at-Tabarani fil Kabir wa rijaluhu rijalu sahih. L'imam al-Albani a rendu ce hadith authentique, il a été rapporté par l'imam al-Tabarani. Dans ce athar, on nous montre la gravité de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que jurer par autre qu'Allah a pour jugement le polythéisme. Pourquoi est-ce qu'Ibn Mas'ud a nous dit qu'il préférerait jurer par un autre qu'Allah, jurer par Allah en disant en mentant? Naam, Ibn Mas'ud nous dit qu'il préférerait jurer par Allah tout en mentant plutôt que de jurer par un autre qu'Allah en disant la vérité, alors qu'il n'aimerait ni ça ni ça. Car le péché du shirk est pire que le péché du mensonge, et la hasana du tawhid est plus grande que la hasana de la véracité. Donc si on se retrouve dans une situation où on n'a pas le choix, si ce n'est de prendre l'une de ces deux choses-là, on choisira le moindre mal. Et le moindre mal, c'est le mensonge. Ibn Mas'ud nous dit cela, alors que c'est lui qui a rapporté le hadith, celui qui ment pour prendre un des droits qui appartient à son frère, pour prendre de l'argent qui appartient à son frère. Naam. لقي الله وهو عليه غضبان من حلف على يمين وهو فيه كاذب ليقطع أو ليقطع مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. Celui qui jure alors qu'il ment pour pouvoir prendre l'argent de son frère rencontrera Allah et il sera en colère contre lui. Ibn Mas'ud a rapporté ce hadith sur la gravité du mensonge. Pourtant, il nous dit: je préfère jurer par Allah en mentant que de jurer par un autre qu'Allah en disant la vérité. Pourquoi? Parce que le péché du shirk est bien plus grave que le péché du mensonge. Donc ici, on voit la gravité du shirk dans les paroles. Nous n'avons pas le droit de jurer par un autre qu'Allah. On doit éduquer nos enfants à ne pas jurer. Et lorsqu'ils doivent jurer, à jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. On doit éduquer les gens à ne jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas juger excessivement. L'auteur a cité ce athar dans ce chapitre car on y voit l'interdiction de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est pire que les grands péchés, comme le mensonge. On tire de ce athar la gravité du polythéisme et de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est pire que le mensonge. On tire l'interdiction, na'am, de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On tire également de ce athar que lorsque la personne se retrouve dans une situation où il est obligé de faire un de deux mal, il devra choisir le moindre mal. Il devra choisir le moindre mal. On voit le mérite d'Ibn Mas'ud et la grande compréhension qu'il a des textes. Il reste un athar, on va le finir après les Aïcha, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa alhamdulillah wa ba'd. Kamil hadha al-bab, finis le chapitre. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. L'auteur nous dit: حذيفة rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dites pas c'est selon la volonté d'Allah et la volonté d'un tel. Dites plutôt c'est selon la volonté d'Allah puis la volonté d'un tel. Rapporté par Abu Daoud selon une chaîne de transmission authentique. هذا لأن الواو يقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه والمساواة. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de dire c'est selon la volonté d'Allah et la volonté d'un tel. Parce qu'en disant « et la volonté d'un tel », avec le mot « et », tu auras donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans la volonté. C'est comme si la créature avait une volonté semblable à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il nous oriente vers la phrase qui ne comporte pas de mal, ni de manquement dans la considération et le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous oriente vers une phrase qui ne comporte pas de polythéisme, en disant « Walakin qulu ma sha'a Allah thumma sha'a fulan ». Il nous dit « Dites plutôt, c'est ce qu'Allah, c'est selon la volonté d'Allah, puis la volonté d'un tel. » لِأَنَّ الْعَطْفَ بِثُمَّ يَقْتَضِ التَّرْتِيبَ وَالتَّرَاخِي. Car en disant c'est selon la volonté d'Allah puis la volonté d'un tel, tu as mis un temps entre la volonté du Créateur et la volonté de la créature. Tu as mis cela à des degrés différents. La volonté d'Allah prime, la volonté d'Allah est la première, la volonté d'Allah est la suprême et au-dessus. Puis on affirme une volonté à la créature. Mais la volonté de la créature suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vient pas au même degré, au même niveau, au même moment que la volonté du Créateur subhanahu wa ta'ala. L'auteur a cité ce hadith car de dire « Masha'Allah wa sha'a fulan » entre dans « Al-Tandid » Al-Asrar, Al-Lafzi. Donc cette parole entre dans le polythéisme mineur. Car la personne aura donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala sur sa langue sans avoir la conviction. Nastafi min hadha al-hadith ithbat mashiatillahi subhanahu wa ta'ala sifatan lah. On tire de ce hadith que parmi les attributs d'Allah azza wa jalla, il y a la volonté. ونستفيد إثبات مشيئة المخلوق وفي هذا رد على الجبرية الذين قالوا لا اختيار للعبد ولا مشيئة له. On tire aussi de ce hadith, on peut affirmer à travers ce hadith que la créature a une volonté, mais que sa volonté suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cela il y a une réfutation à une secte qu'on appelle al-Jabriya, qui disent que le serviteur n'a aucune volonté. Il est à l'image de la feuille au vent. Il est comme une feuille au vent, il n'a pas de volonté. Lorsque tu parles, ce n'est pas toi qui as voulu parler. Si tu fais un bien, si tu fais un mal, tu n'es pas responsable. Donc ils ont exagéré dans le destin au point de dire que l'homme n'a pas de volonté. Il ne fait pas selon son vouloir. Une faïda dans la da'wa. إذا أغلقت باب حرام افتح للناس باب مباح. De ce hadith on tire que lorsque tu fermes une porte du haram aux gens, oriente-les par la suite vers une porte où c'est halal. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne dites pas ça mais dites cela. Donc il leur a interdit de dire ma sha'Allah wa sha'a fula, puis il leur a dit mais dites c'est ce qu'Allah a voulu, puis un tel. Donc lorsque tu dis aux gens, ne faites pas ça, donne-leur une chose, remplace ce mal par une chose permise. Remplace ce mal par une chose permise. Par exemple, tu dis à ton fils, n'écoute pas la musique, c'est haram. N'écoute pas la musique, c'est haram. Mais écoute le Coran. Mais tu peux écouter des poèmes. Et ainsi de suite. Tu dis à ton fils, par exemple, ne mange pas au McDonald's. Non. Tu dis à ton fils, par exemple, ne mange pas de la viande pas halal. Mais mange telle viande. Mais mange du poisson. Wahakala. Lorsque tu enlèves quelque chose à quelqu'un, remplace-lui par une autre chose qui est permise. Et ça, c'est une facilité et ça nous montre la perfection de notre religion. On nous dit de ne pas faire telle chose car il y a un mal pour nous. Mais on nous oriente vers une autre chose dans laquelle il n'y a pas de mal pour nous. Donc cette religion est complète et parfaite. Tu te dois de faciliter aux gens autant que possible dans les limites de la législation d'Allah. Et la législation d'Allah est une facilité. La facilité est dans la législation d'Allah. Pas dans le fait de déborder et de sortir de cette législation. Et taïsir fi dinina, la facilité elle est dans notre religion. Donc lorsque tu interdis à quelqu'un une chose qui est interdite par notre religion, tu lui permets par la suite une chose qui est permise par notre religion. Et pour finir, l'auteur dit وَجَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَبِكَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ قَالَ وَيَقُولَ لَوْلَى اللَّهِ ثُمَّ فُلَانَ وَلَا تَقُولَ لَوْلَى اللَّهِ وَفُلَانَ. On rapporte qu'Ibrahim al-Nakhai, Ibrahim al-Nakhai fait partie des fuqaha chez al-Tabi'in. Il nous dit, ou bien on rapporte que Ibrahim al-Nakhai détestait l'expression « Je cherche protection auprès d'Allah et de toi ». Le fait de mettre « et », Ibrahim al-Nakhai détestait cela. Par contre, il considérait légitime de dire « Je cherche protection auprès d'Allah puis de toi ». Il faut dire si ce n'était Allah puis un tel. Et ne dites pas si ce n'avait été Allah et un tel. Donc tout au long du chapitre, on voit la différence entre « et » du mot « puis ». D'accord ?« Et » c'est comme si c'est ensemble, c'est une association. Alors que « puis » il y a une différence. Allah a voulu, puis un tel a voulu. Dans « puis » il y a une différence de degré. Dans « et » c'est le même degré sur la langue. Même si ça ne l'est pas dans le cœur de la personne. Une chose importante à comprendre ici, al-karahiyya, inda salaf, fi urf al-salaf, bima'na al-tahrim. Lorsque les pieux prédécesseurs disaient, c'est détestable, ça ne veut pas dire détestable comme chez al-usuliyoun. Quand ils disent détestable, ça veut dire que c'est haram. Comme dans surat al-Isra, par exemple, on a cité shirk, on a cité zina, on a cité madha, le fait de spolier les biens de l'orphelin, ainsi de suite. Puis Allah Azza wa Jalla nous dit tout cela est détestable. Est-ce que ça veut dire que c'est mieux de le délaisser, mais si on le fait, on n'a pas de péché? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est haram. Donc ici, lorsqu'Ibrahim al-Nakhai dit que c'est makrouh, ça veut dire muharram, interdit. Retenez cela, que dans l'istilah ou dans l'urf des plus prédécesseurs, al-karahiyya bima'na al-tahrim. Donc Ibrahim al-Nakhai détestait, considérait haram de dire A'udhu billah wa bik. Je cherche protection auprès d'Allah et de toi. Par contre, tu peux dire, je cherche protection auprès d'Allah, puis auprès de toi. Al-isti'adha, nous l'avons déjà étudié. Wa l'iltija wa l'i'tisam bi shay an makruh. Al-isti'adha, c'est le fait de chercher refuge et protection auprès d'une chose contre un mal qu'on redoute. Contre un mal qu'on redoute. Celui qui cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla et protection auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala contre un mal qu'il redoute, il aura mis en pratique At-Tawhid. Il lui est demandé aussi de faire les causes pour se prémunir du mal. Donc il peut chercher refuge ou bien protection auprès d'une créature et l'utiliser en l'utilisant en tant que cause. Mais son cœur ne penchera que vers qui ? Que vers Allah. Et cette cause, il doit la considérer qu'en tant que telle, en tant que cause. Puis il y a trois conditions. Qui nous rappelle ces trois conditions ? Cette créature doit être vivante, présente et capable. Jazakumullahu khayr. Donc, on doit utiliser cette chose en tant que cause. Mais celui qui décrète, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cette chose qu'on utilise en tant que cause doit être vivante, présente et capable. Que veut dire capable? Ça veut dire que c'est dans la capacité du fils d'Adam à la base. Dans ce cas-là, c'est permis de dire « Je cherche protection auprès d'Allah, puis de toi si c'est une cause réelle. » Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en nous parlant des fitan dans Sahih Muslim, وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَانْ فَلْيَعُذْ بِهِ. Celui qui trouve une chose avec laquelle il peut se protéger, qu'il s'y réfugie. Donc tu peux chercher protection près d'une créature. S'il est vivant, ou bien si elle est vivante, présente et capable, et que tu la considères comme une cause, ton cœur ne penche pas vers elle. Tu comptes que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Une question. Quel est le jugement de dire A'udhu billah, thumma bik. Je cherche protection auprès d'Allah, puis auprès de toi. Et il s'adresse à un mort. C'est quoi le jugement de cette parole? Quelle forme de shirk? C'est du shirk akbar. C'est du shirk akbar. Pourquoi? On a cité les trois conditions. Qu'il soit vivant et lui est mort. Le fait de demander à un mort, c'est quoi le jugement? C'est du shirk akbar mutlaqan. T'invoques un mort, c'est du shirk akbar mutlaqan. Na'am. L'absent. Pareil. D'accord? Et demander une chose que seul Allah Azza wa Jal peut donner, même si la chose est vivante et présente, tout cela entre dans le shirk akbar. Donc ne vous laissez pas tromper par thumma dans ce cas-là. Car il s'agit ici d'un mort. Comment demander un mort pour être du shirk asra? Subhanallah. Donc dans ce athar, Ibrahim al-Nakhai nous éduque sur les paroles qui sont permises et nous met en garde contre les paroles qui sont interdites. Ce qui est interdit sont les paroles desquelles on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un égal dans la volonté ou autre chose. De toutes ces paroles, nous devons nous éloigner et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a mis ce chapitre dans son livre « Kitab al-Tawhid ». Car ici, on voit des paroles desquelles nous devons nous éloigner. À partir du moment où on peut comprendre qu'il y a une similitude, une égalité entre le Créateur et sa créature. Et car tout cela entre dans quoi? Le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux. Donc le musulman, après avoir appris at-tawhid, après avoir appris le sens de tawhid, après avoir appris al-shirkul akbar, il s'éloigne maintenant de tout ce qui peut l'empêcher d'atteindre la perfection dans son tawhid en s'éloignant des mauvaises paroles. En s'éloignant des mauvaises paroles, comme le fait de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Et demain, dans le cours de demain, inshallah ta'ala, on verra que certains parmi les pieux prédécesseurs, en entendant une personne jurer par Allah, certains parmi les salafs ont pleuré. Tellement c'est une chose grave et tellement ils immensifient Allah subhanahu wa ta'ala. Un des pieux prédécesseurs a pleuré lorsqu'il a entendu Ash-shirku billah fi ardillah. Alors que nous, au quotidien, on entend pas que les koufars juraient par autre qu'Allah, mais même dans les demeures des musulmans. On a déjà entendu ici, dans la mosquée, quelqu'un jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi baytin min buyutillah. Yuhlafu bi ghayrillahi al-azim. Subhanallah. Jurer par autre qu'Allah est un des plus grands péchés. As-sahaba corrigeaient leurs enfants lorsqu'ils juraient. Lorsqu'ils juraient, tout simplement, ils les corrigeaient. Ils les éduquaient à ne pas utiliser avec Mada, sans retenue, le jour. Que dire alors de celui qui jure par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un des pires péchés. Si tu entends quelqu'un jurer par sa tête, par la vie de sa mère, par ses parents, par l'amana, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la Kaaba, par ses morts, enseigne-lui que tout cela fait partie du polythéisme. Tout cela fait partie du shirk. Et c'est pire que le vol, c'est pire que le mensonge, c'est pire que les grands péchés. Car dans ces péchés-là, c'est du mal entre les créatures. Alors que dans le fait de jurer par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un manque de respect envers le Créateur. Wa salli Allahumma wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.